des jugements. Chaque main à travers l'écran, ses viewers ne regardent pas. Il s'aligne comme une armée silencieuse. Riders Kill. Dans chaque dune, son nom est gravé. Riders Kill. Dans chaque cri, son souffle est mêlé. Il n'a pas besoin d'armes. Il a la foi des anciens. Quand les machines avancent, ils frappent d'un chant. Quand les autres tombent, ils chantent encore. Ils chantent, peuple chante.